Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter, si vous le voulez bien, le calendrier des esclavages et des libérations. Le 9 décembre 1831, en France, à Lyon, Justin Desplanques, marchand de cirage, est emprisonné pour avoir voulu vendre sans permission un récit de la lutte des Canuts, suivi d'une complainte sur les victimes des 21 et 27 novembre. 1851, France encore. Dans la vallée de la Drôme, chasse aux rouges, qui s'oppose à la renaissance de l'empire napoléonien. 1893, France, une bombe anarchiste, marmite à clous, explose à la chambre des députés. Vaillant, l'auteur de l'attentat, expliquera ainsi son geste. « Ma bombe, c'est le cri d'une classe qui revendique ses droits. » Ma bombe, c'est le cri d'une classe qui revendique ses droits. 1900, France. Une loi fixe les conditions de travail des femmes employées dans les magasins, les boutiques et autres locaux indépendants. 1905, France, loi de séparation des églises et de l'État. Donc, 1905, loi de séparation des églises et de l'État. 1925, Espagne, mort de Pablo Iglesias, président du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, PSOE, membre important de la Première Internationale. C'était pas un fasciste, lui, au moins. 1926, Japon. Formation du Parti Ouvrier Paysan Japonais, Nihon Rono To. Scission centriste du Parti des Ouvriers et des Paysans, très actif depuis sa fondation. 1935, Chine. À Pékin, près de 10 000 étudiants descendent dans les rues. Ils réclament la fin de la guerre civile et l'union de toutes les forces contre la pénétration japonaise. 1948, ONU, Convention pour la prévention et la répression des génocides. Ce crime est défini comme une destruction des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. 1961, Tanzanie, à 12h01, le drapeau britannique est baissé sur le territoire du Tanganyika. Le pays est indépendant. Grâce au président Nyerere, il trouvera une voie originale vers le socialisme africain. 1974, Canada, le syndicat mis sur pied par les travailleurs du magasin Woolworths de Chicoutimi, au Québec, est accrédité. 1975, URSS, le prix Nobel de la paix est attribué au physicien soviétique Andrei Sakharov. Militant des droits de l'homme, il ne sera pas autorisé à sortir de son pays pour recevoir ce prix. 1978, Nicaragua, unification du commandement du Front sandiniste de libération nationale. 1982, Lesotho, les forces sud-africaines pénètrent dans la capitale du Lesotho, mettent à sac les locaux de l'ANC, Congrès national africain, et tue 42 personnes, dont de nombreux militants. Thank you. Le 10 décembre. Le 10 décembre 1788, en Australie. Pendant ce mois de décembre, les colons britanniques capturent deux aborigènes pour voir si on peut les civiliser, entre guillemets, les civiliser. Par la suite, la moitié des aborigènes mourra par la variole apportée par les colons. 1898, USA, traité de Paris. Après la défaite de l'Espagne, l'empire colonial espagnol est liquidé au profit des USA. Cuba devient indépendant et sera occupé par l'armée américaine. Porto Rico et Guam sont annexés par les USA. Les Philippines changent de maître. 1898, Philippines. Les USA achètent les Philippines à l'Espagne pour 20 millions de dollars. Les Philippins qui luttaient pour l'indépendance contre les Espagnols ne sont même pas consultés. Ils vont se retrouver face aux troupes américaines. 1919, Espagne. À Madrid, au congrès de la CNT, 437 délégués représentent 714 028 adhérents. On y organise un syndicat unique des industries de métier. La déclaration de principe adopte le communisme anarchiste. L'adhésion provisoire à la troisième internationale est décidée. Un appel est lancé pour la création d'une seule centrale syndicale dans le pays. 1920, Japon. Les différents courants socialistes s'unissent pour former la Fédération socialiste du Japon. 1947, France. Les syndicats ayant donné l'ordre de reprendre le travail après la grande grève, l'espoir du grand soir est déçu chez beaucoup de militants. La classe ouvrière se retrouve plus divisée qu'avant. C'était pas en 2018, c'était en 1947. 1948, ONU. Déclaration universelle des droits de l'homme, la suppression de l'esclavage est réaffirmée. 1959, Afrique du Sud, journée des droits de l'homme. À Windhoek, la police ouvre le feu sur la foule qui manifeste dans le calme contre les mesures d'expulsion et de ségrégation. La police ouvre le feu sur la foule qui manifeste dans le calme. La foule, elle manifeste toujours dans le calme. Hein? Quand il y a des heurts, quand il y a des violences, ce n'est pas la fête des manifestants qui, eux, n'ont pas besoin de la violence, qui ont horreur de la violence. Quand il y a de la violence, c'est de la violence fabriquée à l'extérieur pour nuire à la manifestation en cours. Ce sont des agents provocateurs qui sont manipulés par le pouvoir en place. 1964, USA, prix Nobel de la paix au pasteur Martin Luther King, prophète de la libération non violente des Noirs. 1974, Birmanie, dans la nuit, des chars et des voitures blindées cernent le campus de Rangoon. La troupe tire et emporte les cadavres. Le jour suivant, la loi martiale est proclamée. Dans plusieurs villes, la bataille fait rage, 200 morts et plus d'un millier de blessés. 1981, lors de la publication de son rapport annuel, Amnesty International lance un appel contre l'hypocrisie en matière de droits de l'homme. ...1982, Philippines. À travers le pays, 140 000 personnes manifestent contre le régime et l'influence américaine. 1983, Mozambique. Quelques 100 000 personnes sont déjà mortes de faim. 1983, Pologne. Maître Danuta Walesa reçoit au nom de son mari le prix Nobel de la paix. Celui qui a respiré l'air de la liberté ne se laissera pas abattre, dit-elle, au nom de son mari. 1984, France. 11 mois, jour pour jour, après le début de l'occupation de leur entreprise, les ouvrières de Fusalp fondent une nouvelle société, Réalp. Elle emploiera 120 personnes d'Albertville et de Saint-Jean-de-Maurienne. 1984, ONU. L'Assemblée générale des Nations unies adopte une convention contre la torture et autres traitements ou punitions cruels, inhumains ou dégradants. 11 décembre. 11 décembre 1890, France, à Revin, dans les Ardennes. Une première manifestation organisée par les grévistes de la fonderie rassemble 800 à 1000 travailleurs. 1917, Lituanie, indépendance. 1927, Chine. L'insurrection éclate le matin à Canton. Le soir, les révolutionnaires contrôlent la ville. La population, durement marquée par la répression antérieure, ne suit pas. 1936, Chine. L'armée de Mandchourie s'enfuit devant les Japonais. Mais 200 000 hommes, ayant reçu comme tâche de détruire l'armée rouge, se révoltent contre Chiang Kai-shek. 1942, France. Une loi prescrit l'apposition de la mention « juif » sur la carte d'identité et sur les cartes d'alimentation. 1960, Algérie. À Alger, grande manifestation en faveur de l'indépendance au cri de « Vive le FLN !»« Vive Ferrat Abbas !» 60 morts. 1975, Argentine. José Serapio Palacios, militant ouvrier. Collaborateur de la JOC argentine et internationale, est enlevé par un groupe d'hommes masqués et armés de mitrailleuses. Des hommes masqués et armés de mitrailleuses. Tiens. Malgré de multiples démarches, une campagne de solidarité internationale, on ne l'a plus revu. Pour les autorités, il ne figure pas parmi les détenus. Un parmi des milliers. 1975. Sahara occidental. L'Assemblée générale de l'ONU, Organisation des Nations unies, affirme son attachement au principe de l'autodétermination et son souci de voir appliquer ce principe aux habitants du territoire du Sahara occidental. 1979, USA, URSS. Suite à l'installation des missiles SS-20 en URSS, l'OTAN adopte une double décision. 108 fusées Pershing 2 seraient déployées en RFA, c'est-à-dire République fédérale d'Allemagne, on disait à l'époque Allemagne de l'Ouest, et 464 missiles de croisière dans 5 pays d'Europe occidentale. D'autre part, des négociations avec Moscou sont redemandées. 1981, Pologne, l'agence soviétique TASS accuse le syndicat Solidarité de préparer le renversement du pouvoir. En dessous, il est écrit « À force d'ignorer, on oublie, et à force d'oublier, on nie », signé Emmanuel Mounier. Thank you. des champs à perte de vue. En Haute-Marne, la verdure donne la tonalité. Mais pourtant... Donc là, juste à proximité de nous, on a donc le fameux site de l'Andra, le fameux site de Bure dénommé Cigéo, et ce qu'on appelle nous le pseudo-laboratoire, et on dit même la verrue de l'Andra en question. On peut remarquer d'ailleurs la chose principale, c'est ce bâtiment qui émerge, cette espèce de tour carrée qui émerge, et qui donc est le puits de descente dans les fameuses galeries en question. Et à 3 km seulement, aux premières loges, Bure, petit village d'une centaine d'habitants. En 1993, peu informés, ces riverains voient s'implanter un site de stockage de déchets nucléaires juste au bout de leur champ. Donc les habitants, en fait, sont vraiment à proximité immédiate du nucléaire. Ils baignent dedans, j'allais dire. Le gros problème, aux yeux du citoyen, c'est qu'il y a eu de l'information fragmentaire à travers les médias, mais tout le monde ne regarde pas les médias. Et ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est quelque chose d'honnête, si on avait voulu faire une démarche honnête, c'est faire des rencontres de tous les citoyens, d'aller rencontrer les gens et d'aller les rencontrer, j'allais dire même plus loin, de les prendre par la main. Pour un sujet aussi lourd, il ne s'agit pas de mettre une pancarte à l'entrée du village en disant « ce soir, on fait une réunion d'information ». Non, il faut prendre les gens par la main. Gérard Longuet a participé au lancement du projet Andra. Et pour lui, les riverains étaient au courant. Il y a vraiment toutes les informations pour celui qui veut se renseigner et aller au fond des choses. Il faut quand même savoir que dans le système nucléaire français, nous ne sommes plus du tout à l'époque, je dirais, d'un milieu refermé sur lui-même. C'est une affaire qui est beaucoup plus débattue et contrôlée que ne l'ont jamais été ni la mise en place des centrales nucléaires dans les années 70-80, ni aujourd'hui les décisions d'opportunité d'implanter des énergies renouvelables qui sont décidées à Paris, mais qui sont rarement débattues localement. Retour à Bure. En 2006, il y a bien des rencontres publiques pour parler des risques de contamination du site. Mais à chaque fois, la tension monte, et depuis, plus rien. Le débat, on peut dire qu'il est néant, mais j'allais dire que c'est pire que ça encore, parce qu'on fait croire aux gens qu'il y a du débat, on fait croire qu'on tient compte de leurs avis, de leurs remarques, de leurs desiderata, et en fait, c'est complètement balayé. Donc c'est encore beaucoup plus grave que s'il n'y avait pas de débat. C'est on fait croire que. Pour l'heure, pas encore de déchets radioactifs dans les souterrains. Michel Marie nous le confie. Son souhait majeur, remettre la démocratie au cœur de ses projets à risque. Je vous préviens, mesdames, messieurs, on va beaucoup parler des gilets jaunes aujourd'hui. Je vous présente mes invités. Mathieu Depriec, journaliste à l'Opinion, bonjour. Bonjour. Aude Rossigneux, journaliste indépendante, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Louis Dragnel de Valeurs Actuelles. Bonsoir Eric. Bonsoir Hervé Gattegno, BFM TV et le Journal du Dimanche. Je commence avec vous, Mathieu Depriec. Ce matin, à la une de l'Opinion, vous avez signé un travail, une enquête qui a duré plusieurs jours. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux et les différentes communautés qui ont rejoint les gilets jaunes. Alors qui sont-ils? Vous avez une presque l'amorce d'une étude sociologique, pratiquement. Assez fine. Hein. C'est beaucoup dire, Eric. Non, c'est difficile de faire une enquête sociologique sur l'ensemble du mouvement. C'est un mouvement très disparate qui se répartit sur des dizaines et dizaines de groupes Facebook qui touchent à peu près toutes les couches de la population. Ce qui est important, et moi ce que je notais dans ce papier dans l'Opinion ce matin, que vous pourrez retrouver toujours en kiosque demain d'ailleurs, j'en profite, c'est que... Quel service après-vente. Mais oui. Non, ce qui est important, c'est que eux-mêmes se revendiquent de la France périphérique. Et quand on regarde, les mouvements, les blocages touchent majoritairement les petites, les moyennes, quelques grandes villes, mais pas les métropoles. Et eux-mêmes, dans leur prise de position sur les groupes Facebook, le disent. Ils disent, à Paris, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vit. Est-ce que vous n'êtes pas dans la caricature lorsque vous décrivez dans votre article la France d'en bas contre la France d'en haut, la France des métropoles contre la France des campagnes? Ça m'a l'air trop facile. Il y a des gilets jaunes dans les banlieues. Il y a des gilets jaunes au cœur de Paris, au cœur de Lille, au cœur de Lyon, au cœur de Marseille. C'est pas aussi simple que ça. Mais la banlieue, c'est la France périphérique aussi. En gros, moi, quand je dis France périphérique, c'est la France à l'exception des très grandes métropoles. Pour faire simple, Paris, Lyon, Bordeaux, peut-être Nantes, Lille. Bien sûr qu'il y aura des blocages dans ces villes-là, mais on le voit sur le cas de Paris. Il y a un blocage du périph qui a été lancé par un routier de la Seine-et-Marne. Il y a aussi des gilets jaunes disposés dans des 4x4 Mercedes et des 4x4 BMW. Mais c'est toute l'ambiguïté de ce mouvement. Immatriculé 75 c'est, ou 69 à Lyon. C'est toute l'ambiguïté de ce mouvement. On peut poser le gilet jaune sous son pare-brise, dire je fais partie du mouvement, comme on peut aller descendre, bloquer la rue et faire partie du mouvement. Il y a différents signes d'adhésion dans ce mouvement. Bon, Audre Signeux, on disait il y a quelque temps, c'est le peuple automobiliste qui va descendre dans la rue le 17 novembre. Demain, là, il est clair que c'est plus tout à fait le peuple automobiliste qu'on embrasse plus large. C'est clair que ça a pris de l'importance et que c'est un moyen d'agréger aussi beaucoup de mécontentements. Ouais. Et donc, effectivement, il y a dans les grandes villes des gens qui, spontanément, n'auraient pas été des gilets jaunes, très clairement, parce qu'ils ont un réseau de transport en commun proche, parce qu'ils utilisent leur voiture à chaque fois qu'il leur tombe un œil, et que du coup, faire un plein, c'est pas un souci majeur. Mais ces gens-là, qui vont peut-être demain mettre leur gilet jaune sur le devant de leur voiture, c'est aussi pour dire qu'ils soutiennent, pour manifester une sorte de ras-le-bol empathique, si j'ose dire. Même s'ils sont dans des grandes villes, même s'ils roulent en 4x4, même si ils font partie des plus aisés. Mais quand même, on a quand même la France d'en bas contre la France d'en haut, et surtout le président des riches qui est devenu qui est pointé aussi comme président des villes. Oui. Hervé Gattignot du JDD, je vais briser la règle de la neutralité, mais j'ai plutôt été séduit par un des volets, moi, qui est la grogne fiscale. C'est vrai qu'on vit dans le pays. Ça m'étonne pas. Mais on vit dans le pays le plus fiscalisé du monde. Je me suis dit, après tout, il est un peu naturel que des gens protestent contre ce principe « un problème, une taxe, un problème, une taxe ». Mais, pour autant, ça n'est pas que ça, mouvement. Ça n'est pas que ça, et il y a même une contradiction intrinsèque, parce que dans le mouvement, en tout cas dans les slogans, dans ce qu'on entend, il y a aussi beaucoup de gens qui réclament plus de services publics dans la France profonde, et les services publics, comme chacun sait, sont quand même beaucoup financés avec les impôts, donc il y aura probablement dans ces défilés, ou dans ces blocages, s'il y en a, des gens qui vont voisiner les uns pour réclamer une politique qui requiert davantage d'impôts, et les autres pour protester parce qu'il y a trop d'impôts. Et c'est tout le problème. Alors vous dites que c'est totalement hétérogène, et qu'il y a des contradiction dans le mouvement. C'est pas totalement hétérogène, mais c'est pas la première fois. Au fond, tous les mouvements qui sont d'essence protestataire, on en a déjà connu, mais que ce soit Nuit Debout, que ce soit même les grandes manifs contre la réforme de la SNCF, au début, c'était focalisé sur la réforme du transport ferroviaire, et puis petit à petit, ça a agrégé d'autres formes de mécontentement, y compris, par moments, des catégories de salariés qui étaient ulcérés par le fait qu'on bloquait les chemins de fer et que ça les empêchait d'aller travailler. Donc, quand il s'agit de protester, évidemment, le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils vont protester. Protester contre qui ? Globalement, contre le pouvoir central, en l'occurrence, contre la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais cette politique-là, elle a elle-même beaucoup d'aspects. La réalité, c'est que c'est une contestation probablement trop hétéroclite pour que le gouvernement et les partis politiques ne parviennent à lui donner une réponse à peu près homogène et cohérente. Bon, il y a quelques minutes, les caméras de BFM TV à Toulouse ont entendu les premiers témoignages de ces gilets jaunes qui s'apprêtaient à se mettre en place pour demain matin. Écoutez. Ce que l'on attend dans cette journée de demain, c'est vraiment de montrer au gouvernement qui ne nous entend pas que les Français sont en colère, que les Français, quel que soit leur horizon politique, sont capables de se rassembler autour, d'une part, de la contestation de cette politique qui ne nous convient pas. Le Premier ministre nous a dit qu'il ne souhaitait pas changer de politique. Eh bien, nous allons lui montrer qu'il va être temps de le faire. Difficulté. Alors, Louis Dragnel, de Valeurs Actuelles, bon, on parle de 1500 actions. À l'intérieur de ces 1500 actions diligentées un peu partout en France, il y aurait 150 blocages. Le reste ne serait pas des blocages. Et on parle de 3000 policiers répartis sur le territoire pour veiller. Bien évidemment, beaucoup de gens redoutent le dérapage. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça fait 15 jours que les services de renseignement organisent quotidiennement Place Beauvau des réunions pour essayer d'anticiper, d'essayer d'imaginer, de se faire une idée de ce que sera ce mouvement. Et leur conclusion corrobore un peu tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui là sur ce plateau. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui fédère une grogne éparse. La confusion règne dans l'organisation de la journée. C'est en fait tous les éléments qui ressortent d'un document, d'une note que nous avons pu consulter à Valeurs Actuelles et qui fait 15 pages et qui explique en fait à quel point il est compliqué d'essayer d'identifier qui participera à ce mouvement-là. Il y aura des gens d'ultra-droite selon le service central de renseignement territorial. Il parle de mouvements d'ultra-droite, d'ultra-gauche, des antispécistes. Il y aura des gens de de gauche, de droite, des gens qui votent pas. Et globalement, la tendance quand même globale, c'est que ça va être la colère plutôt de la province contre Paris. Donc c'est quand même quelque chose que vous évoquiez aussi tout à l'heure. Donc c'est très important. Ouais. 1500 actions, et à ce jour, il y avait seules 112 actions qui étaient déclarées. Et c'est ça, en fait, toute la préoccupation et l'inquiétude de Laurent Nunez, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, c'est qu'en fait, dans la mesure où il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas été déclarées en préfecture, eh bien, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et d'ailleurs, ce qui complique encore plus la tâche, c'est qu'il y a des appels qui ont été passés sur les messageries cryptées WhatsApp, Telegram, des organisateurs à fermer les pages Facebook pour surtout éviter que les services de police puissent les suivre et les identifier. Et c'est ça qui, si vous voulez, suscite encore plus d'inquiétude et d'attention de la police. C'est important ce que vous me dites. C'est-à-dire que selon aujourd'hui les services de renseignement, on n'est pas dans la mêlée joyeuse, certes contestataire, mais bon enfant, on serait dans un truc plus radical. Alors effectivement, en fait, parmi ces gens-là, et c'est une population, c'est une masse, et vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, on a toujours peur des masses, puisque les masses, par définition, c'est quelque chose d'assez incontrôlable. Et dans la mesure où, en plus, la plupart d'entre eux, de ces gens-là, manifestent assez peu et ont pas déclaré leur intention de manifester, effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude place Beauvau, même si le ministre et l'entourage du ministre se disent serein, attentif, concentré. Ouais. Mais c'est vrai que tout est possible. Bon, Mathieu Depriec, de l'Opinion. Le truc, c'est que les partis politiques ont été totalement débordés. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien, la palme de la contestation revient cette semaine, non pas à un parti politique d'opposition, mais à un mouvement citoyen dont on ne perçoit pas encore grand-chose. C'est intéressant, à midi, j'ai croisé Priscilla Ludowski, vous savez, la jeune femme qui a initié la pétition sur change.org, voilà, contre l'augmentation du prix du gasoil. Elle me disait, j'ai reçu des appels du Rassemblement National, j'ai reçu des appels de la France Insoumise, j'ai reçu des appels des Républicains, et elle a même croisé des députés La République En Marche qui la mettaient en garde, qui disaient « Oh, attention, oulala, ce que vous avez lancé une machine, hein, il risque d'y avoir des dérapages, ça sera votre responsabilité ». Donc en gros, tous les politiques, d'une façon ou d'une autre, ont essayé de la draguer. Éric, vous disiez, les politiques ont été dépassés, on a tous été dépassés, tous. Oui. Les syndicats, les politiques, nous journalistes, on a tous été dépassés. Et je pense que les organisateurs eux-mêmes, enfin les participants eux-mêmes à la journée d'action de demain sont dépassés. Tout le monde est dépassé. Pourquoi tout le monde est dépassé? Parce que c'est un phénomène totalement inédit. Alors, on l'a répété, on l'a dit, je l'entendais encore avant de rentrer en plateau. C'est un mouvement inédit, c'est incomparable. Il y a les bonnets rouges, ce n'est pas comparable, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ce mouvement inédit? On verra demain. On parle d'un mouvement qui n'est pas encore né. L'acte de naissance du mouvement, c'est demain. On va voir s'ils sont capables de s'organiser. Et je rajoute une chose qui était très intéressante dans ce que disait le gilet jaune qu'on a entendu à Toulouse, là, dans le petit sujet que vous avez passé il y a quelques minutes. Il dit, on est tous en colère. Et alors, la colère, ça peut être très péjoratif. On peut se dire, oui, la colère, ça peut détruire l'État, etc. Sauf que là, la colère, elle fait communauté. C'est intéressant. Les gens, les gilets jaunes, sur les groupes Facebook, sont entrés en communauté par la colère. Oui. Et moi, je m'en suis aperçu. J'ai appelé des organisateurs, des gens qui tenaient les pages Facebook, et me disent, je passe 8 heures par jour au téléphone ou en réunion. Donc, ils rentrent en contact avec des gens qui habitent parfois à 10 bornes de chez eux. Et ils deviennent comme ça proches et ils partagent leur mécontentement, certes, mais dans une communauté. Hervé Gattegno, est-ce que c'est, ce mouvement du 17 novembre, stricto sensu, un mouvement politique? Est-ce que c'est un mouvement politique et quel est son ADN? On essaie de. Est-ce qu'il est plutôt de droite? Certains disent de droite, d'autres disent, oh, détrompez-vous, il y aura beaucoup d'électeurs naturels de la gauche qui seront dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bah, alors, d'abord, on sait qu'avec le macronisme, les grilles de lecture traditionnelles de la politique sont quand même sensiblement brouillées. Si on considère que c'est une protestation qui part d'en bas contre la capitale, les élites, ceux qui décident à la place de la province, ça pourrait ressembler à certains égards à une protestation populaire, donc plutôt de gauche, des petites gens contre les nantis. Si on part du principe que c'est plutôt une protestation de ceux qui sont ancrés dans les territoires contre le pouvoir central, ça pourrait ressembler plutôt à une forme de protestation un peu conservatrice, voire réactionnaire. Moi, je veux simplement observer que c'est normal qu'on n'arrive pas à lui donner une coloration politique parce qu'il n'y a pas de revendication extrêmement précise autre que supprimons intégralement la taxation sur les carburants, à quoi le gouvernement a déjà répondu, il n'en est pas question. Donc autrement dit, ce qui va se passer demain, c'est une protestation qui n'a pas de véritable revendication. Donc c'est très difficile de la qualifier. J'observe une autre chose, historiquement, un très grand mouvement qui était totalement hors de contrôle des syndicats et des partis politiques, ça a déjà existé. années. C'est même le mouvement qui, sous la Ve République, a eu le plus grand succès. C'était mai 68. La question est de savoir, si j'ose cette formule, à part provoquer des bouchons, demain, quel sera le débouché de cette forme de protestation? Bah, pour l'instant, c'est un énorme point d'interrogation. Mais à mon avis, Eric, c'est un énorme point d'interrogation pour la plupart des gens qui vont aller participer demain à ce mouvement. Ils se disent en colère. Ils vont dire demain qu'ils sont en colère. Il y a probablement beaucoup de gens qui sont en colère en France pour plein d'autres raisons et qui ne vont pas pour autant bloquer des ronds-points ou des voies rapides. Ouais. Il n'y aura pas que des blocages. Hein. Sur 1500 actions, oui. 150 ou blocages prévus. Ouais. Aude Rossigneux. Bon, alors l'ADN de ce mouvement, parce que j'ai réfléchi, j'ai regardé. À l'instant, Gattegnaud vient de parler de mai 68. Il y a eu les bonnets rouges en France. Il y a eu les indignés espagnols de la Puerta del Sol. Il y a eu les poujadistes dans les années 50, sous Pierre Poujade, qui défendaient les artisans, les commerçants. Trop de taxes, disait-il lui-même à l'époque. Ou alors le mouvement 5 étoiles en Italie à ses débuts. C'est quoi? Ça ressemble à quoi, ce qui est en train de naître? C'est pas anodin, quand même. Alors, je sais pas si c'est un mouvement politique, quoique je suis de la famille de ceux qui pensent que tout est politique, mais c'est en tout cas indéniablement un mouvement social. Pourquoi? Parce que des gens font société, et des gens notamment qui n'avaient jamais, ne serait-ce qu'envisager de manifester, se retrouvent à distribuer des tracts, à faire des affiches, etc. Donc en ça, c'est peut-être un objet contestataire non identifié, mais c'est un objet contestataire et donc un mouvement social. On verra, je pense, demain, effectivement, à quoi on a affaire. On verra aussi comment ça se passe. C'est très imprévisible parce que, précisément, ce sont des gens qui n'ont jamais manifesté. Et des gens différents qui se sont rejoints par les réseaux sociaux et qui savent pas tellement eux-mêmes, à mon avis, ce qu'ils attendent. Et demain, c'est effectivement l'acte de naissance, c'est-à-dire que c'est la première marche. Une fois qu'ils vont être montés sur cette marche, qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne sait pas. Et leur parole peut être très variée parce qu'ils sont eux-mêmes très, très variés. Louis Dragnel. Effectivement, ce qui va être très révélateur et ce qui est suivi au ministère de l'Intérieur, c'est de voir effectivement s'il y a une transformation des clics, si vous voulez, des likes et des gens qui adhèrent et qui s'inscrivent sur des pages Facebook à une réelle mobilisation physique dans la rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ce qui va être très suivi aussi, c'est d'identifier toutes les personnes qui disent et qui affirment que le mouvement va continuer. En fait, ce qui les intéresse particulièrement, c'est de savoir si ça va se cantonner à une seule manifestation, c'est ce que soulevait Hervé Gattegnaud tout à l'heure, ou est-ce que le mouvement va perdurer, sachant que la manifestation va avoir lieu un week-end, donc c'est quand même un jour particulier, les gens la plupart du temps ne travaillent pas, et donc on va regarder surtout ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on a moins regardé dans les médias nationaux, c'est qu'en réalité ces manifestations ont commencé il y a quelques semaines, et il y a déjà eu plus de 100 manifestations, 100 mobilisations qui ont lieu sur le territoire français. On l'avait découvert en fait à l'occasion de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Et en réalité, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus souterrain qui s'identifie moins. Il y a beaucoup de commerçants qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui sont furieux parce que eux, ça les empêche de travailler correctement. Ils perdent du chiffre exactement, d'affaires. Ouais. Et Louis disait à l'instant, on travaille pas le week-end, mais les commerçants, eux, ils travaillent. Et pour demain, ils sont furieux. Ouais. Donc ils ont leur colère à eux aussi. Exactement. Ils vont pas bloquer. Et sachant qu'il y a des stations-service qui ont annoncé dès aujourd'hui qu'elles allaient fermer les pompes pour éviter qu'il y ait des débordements, des manifestations ou alors des démonstrations de force devant les stations-service. Et il y a une dernière chose aussi qui va être très suivie, c'est savoir si le mouvement dérape, bascule dans la violence. Ouais. Et je sais, dès aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes, notamment dans l'Ouest, dans le Nord et dans l'Est, qui ont été identifiées parce qu'elles ont manifesté une volonté d'en découdre, de passer à l'acte et éventuellement de passer dans la grande violence. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui va être très suivi parce que dès lors qu'un mouvement échappe au contrôle des organisateurs, et quand on les connaît pas très bien, et bien là, ça change de nature. Ouais, à l'époque des Black Blocs, on sait tout le travail du service d'ordre de la CGT notamment, qui a nombreuses manifestations, tout mis en œuvre pour éviter d'être débordé justement. Absolument. Par des éléments et à contrôler. Là, il n'y a pas de service d'ordre de la CGT. Ça a créé un précédent. Pas de service d'ordre tout court. Le service central du renseignement territorial au ministère de l'Intérieur est très vigilant justement et surveille tous ces points-là pour éviter justement que le mouvement n'échappe. Mathieu Depriec, est-ce que des visages ont émergé? C'est qui ce mouvement des gilets jaunes? On voit sur BFM TV des visages de tonton, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'emblématique, un visage, des visages qu'on va voir peut-être demain dans la vie politique? Des visages émergent chez vous. Ouais. C'est amusant de voir l'effet miroir, c'est-à-dire dans les groupes Facebook, on dit pique-pendre des médias, ouais. Et pourtant, on dit, ils en parlent sur BFM, ça veut dire que ça devient important. Ouais. Telle personne est sur BFM, donc elle est importante. Mm. Et il y a un effet comme ça. En gros, la bête nourrit la bête. C'est-à-dire que plus on parle de ce mouvement, et plus les gens qui étaient indécis se disent, oui, c'est important, il faut que j'y aille. Mm. Juste, je reviens deux secondes. Éric, je sens que vous êtes un peu troublé par ce caractère inédit du mouvement. Vous cherchez des comparatifs. Moi, un des interlocuteurs que j'ai eu pour mon papier dit un truc intéressant. Il m'a fait découvrir le phénomène de synchronisation. Synchronisation collective. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes écolo, Eric, imaginez, ce qui vous embête énormément, c'est les voitures qui se garent sur les pistes cyclables. Mmh. Un jour, vous allez tomber sur Facebook sur quelqu'un qui va faire une tribune vidéo qui va dire j'en ai ras le bol des voitures sur les pistes cyclables, et vous allez vous dire tiens, il dit quelque chose d'intéressant, et puis il va critiquer la France d'en haut par rapport à la France d'en bas. Vous le pensez aussi, ça va activer chez vous un soutien, et c'est comme ça pour des dizaines, des centaines, puis des milliers de personnes. Là, on est dans ce cas-là, on est dans un mouvement de synchronisation collective. Ça peut être très très très périssable, mais en tout cas on est dans ce moment-là. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. À travers les sous-bois, des maisons vides, des villages abandonnés. 350 000 personnes ont été évacuées en urgence de la zone d'exclusion actuelle. Du jour au lendemain, leur vie a été bouleversée. Ils ont été transférés dans d'autres villes et villages, en mesure de les accueillir, là où il y avait suffisamment de place pour les reloger. Beaucoup d'entre eux vivent aujourd'hui à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancienne maison. Ils ont peut-être survécu, mais au fond, ils ont tout perdu, leur maison et leur communauté. Pour beaucoup, cela a entraîné un traumatisme psychologique profond. Ces gens-là ont perdu beaucoup plus que leur vie. Ils ont perdu leur identité collective, leurs racines et leur patrie. Et c'est ainsi que la vie a repris ses droits dans certains villages de la région. Comme à Koupouvat, à environ 30 km au sud-est du réacteur numéro 4. Maria et son mari Ivan ont été déplacés de force après l'accident et emmenés dans un village à 100 km de chez eux, sans rien pouvoir emporter. Et ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Certains villageois voulaient empêcher les colons que nous étions d'utiliser le puits. Ils jetaient de la paille et du foin à l'intérieur. Ils disaient « On ne veut pas de vous ici, vous êtes irradiés ». Maria et Ivan n'ont pas supporté très longtemps d'être loin de chez eux et de se sentir comme des pestiférés. Au bout d'un an, les deux survivants de la catastrophe ont regagné leur village en secret. Ils vivent ici illégalement, mais ils sont tolérés par l'administration de la zone. Koupouvat est en grande partie nettoyée, mais il n'est pas exclu que les isotopes radioactifs se soient concentrés dans les végétaux par les racines. Ivan et Maria vivent en autarcie et ne veulent pas entendre parler de danger. On ne vienne pas me raconter qu'il y a de la radioactivité ici. J'y vis depuis 31 ans. Je serais morte depuis longtemps s'il y en avait. D'ailleurs, je suis ici chez moi. Le moindre arbuste m'aide. Environ 140 personnes vivent illégalement dans la région aujourd'hui. La plupart sont trop âgées pour envisager de quitter leur maison. Anna Zavarotnaya, âgée de 85 ans, fait partie de ceux que l'on nomme les Samosioli, les rapatriés. Baba Anna, comme les gens l'appellent dans la zone interdite, vit avec sa sœur Sonia. Anna s'occupe seule de cette compagne invalide. Les deux rapatriés ne veulent plus jamais quitter leur patrie. Je suis née ici et je mourrai ici. Je ne veux pas aller dans une maison de vieux. Quand je ne pourrai plus marcher, qu'on m'apporte de l'eau pour que je puisse mourir ici. Baba Anna est connue comme le loup blanc ici, et des groupes de touristes lui rendent régulièrement visite. Sonnerie de portable. Un guide s'annonce avec un grand groupe de touristes. Bonjour! Dieu vous protège. Combien êtes-vous? Passe voir Sonia avant de venir chez moi. Avec cette personne. Allez, tu peux venir. Pavlik sera avec toi? Dis-lui de m'apporter du café. Je vais vous préparer des beignets. Depuis qu'elle ne peut plus travailler au champ, Anna est tributaire des cadeaux que les touristes lui apportent. Pas facile de se procurer des produits alimentaires ici. Un camion ambulant passe au mieux une fois par mois. C'est comme ça qu'elle se fournit en produits de première nécessité. Dieu merci, il y a les gars qui m'apportent de la farine. Les touristes m'apportent aussi de l'huile, des pâtes et de la semoule. De tout, en fait. Je les remercie de leur bienveillance. Ils m'appellent et me demandent ce qu'ils peuvent m'apporter. Et moi, je leur dis toujours de m'apporter du kéfir. Il n'y a rien de plus important que le kéfir. Anna a vite appris à composer avec le tourisme dans la région. Quand elle ne gère plus, elle se fait aider par les guides qui passent par là. Tu ne pourrais pas aller me chercher des pommes de terre dans la cave, mon garçon? Ça marche. Tu peux enlever la planche? Je ne pourrai plus rentrer là-dedans de toute façon. J'y arrivais encore il n'y a pas si longtemps. Dépêche-toi, Sacha. Attends un peu, j'ai pas fini. Pas la peine que ce soit complètement rempli. Donne, donne. Il y en a assez? Oui, merci. Sors de là maintenant. J'arrive. Voilà. La table est mise. Au menu, purée de pommes de terre, lard et vodka à volonté. Baba Anna propose une cuisine maison et une visite authentique dans la demeure d'une vraie Samyosol. Le troisième groupe de la journée attend impatiemment son tour. Au même moment, Sergueï et son groupe atteignent le cœur de la catastrophe, le réacteur numéro 4, le temps fort de chaque visite. Vous pouvez voir à quoi ressemblait l'ancien sarcophage, qui est présenté entre les mains de la statue. Il avait fallu le construire en un rien de temps. Juste après la catastrophe, l'exposition au rayonnement était si dangereuse qu'il fallait qu'elle soit de très courte durée, pas plus de 15 ou 20 secondes. Cela rendait les conditions de travail très difficiles. Grâce à un projet multinational, Tchernobyl s'est offert un nouveau sarcophage de plusieurs milliards installé en 2017. Cette arche devrait entrer en service cette année et confiner la radioactivité du réacteur pendant 100 ans. Malgré la technologie de pointe, le problème n'est pas réglé. Le vieux réacteur ukrainien reste une bombe à retardement. C'est là que le corium, une masse ultra-réactive du cœur, y est stocké. Son rayonnement tuerait un être humain en quelques minutes. Le corium va irradier encore durant 100 000 ans. La cantine n'est qu'à deux pas du sarcophage. Un contrôle est obligatoire avant chaque repas. Pour les touristes aussi. Les ouvriers en charge de la maintenance prennent habituellement leur déjeuner ici. Tchernobyl. Le nom de cette ville est mondialement connu depuis la catastrophe. Mais elle n'est pas abandonnée. La vie ici continue, modestement. De nombreux bâtiments ont été rénovés pour héberger le personnel sur place. On y trouve des cafés, un complexe sportif et des magasins où l'on peut se procurer le minimum nécessaire. Mais la zone étant interdite, ses habitants font la navette. Une semaine à Tchernobyl, une semaine ailleurs, dans une autre maison. Sergueï Tchernov, qui est guide lui aussi, a une chambre ici. Toutes les deux semaines, il rentre chez lui rejoindre sa femme restée à Soumy, à 300 km de là. Pour quelqu'un qui vient de Tchernobyl, repartir de zéro dans une autre ville est compliqué. Les gens qui travaillent à Tchernobyl ne trouveraient pas de travail ailleurs. Personne ne leur en donnerait. Ils travaillent ici depuis 20 ou 30 ans. Ils s'y sont habitués et on s'est habitué à eux. Pour eux, il est trop tard pour émigrer. Ils sont vieux, ils ne sont plus familiarisés avec les technologies et les ordinateurs modernes, et ils ne parlent pas anglais. C'est un endroit où on passe la fin de sa vie. Sergueï occupait cette chambre avec sa femme jusqu'à ce qu'elle soit obligée de quitter la zone pour des raisons de santé. Ma femme était liquidatrice au premier degré, et puis elle est tombée malade et est devenue une personne handicapée du deuxième groupe. Elle travaillait dans la centrale. Il a fallu 9 mois pour prouver qu'elle avait le statut de liquidatrice. Elle a fini par obtenir une retraite et elle n'a plus eu besoin de travailler. Sergueï va rester encore quelques années ici pour gagner de l'argent. Ensuite, il tirera un trait sur la zone interdite. Et après ? Une bonne pension, une retraite tranquille, une canne à pêche, une rivière et une datcha. Retour au poste frontière. Pour les touristes, la journée de sensations fortes est terminée. Qu'ont-ils retiré de leur odyssée nucléaire ? Je dirais que le guide nous a donné beaucoup de faits historiques, avec le sens du détail. Et j'ai trouvé ça très bien. On a vu beaucoup de choses en étant au plus près de ce qui s'est passé. C'est un musée vivant à ciel ouvert. Tout simplement un cimetière, si vous préférez. Après, oui. Après, je pense que c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il va prendre de ce tourisme. Si c'est juste des photos ou plus que des souvenirs, on va dire un message à communiquer. C'est peut-être, on va dire, se rendre compte de réellement ce qui pourrait se passer si une centrale explosait en France ou en Angleterre, dans des zones très concentrées, et peut-être se projeter également dans ce qui arrivait si ça se passait près de Paris, près de Bruxelles, près de Londres. Je sais pas, je prends ça un peu comme souvenir, me mettre à la place des gens qui étaient là et me dire que ça pourrait arriver ailleurs et me dire que ce serait quand même assez dramatique si ça arrivait. À la fin, les visiteurs reçoivent un certificat. Ils font désormais partie du club des vrais visiteurs de la zone. Pour notre séjour de presque 10 heures, il indique une dose totale de 0,002 millisievert. Cela correspond grosso modo à l'exposition au rayonnement d'un vol régulier entre Paris et New York. Le tampon d'entrée est déjà assez officiel, mais il y a un autographe en prime, du patron en personne, pour ainsi dire. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Retour à Kiev. Pour les touristes, cela restera un voyage, la grande aventure d'un jour. La zone restera contaminée pendant des milliers d'années, autant dire à tout jamais. Sergueï tient à son projet d'ouvrir les portes de sa région et il ne baissera pas les bras. La région où nous nous trouvons actuellement est en fait l'une des zones les plus propres qui soit, non seulement en Ukraine, mais peut-être aussi dans toute l'Europe. Il faut dire que pendant 30 ans, elle a été épargnée par les émissions de gaz industriels, les pesticides de l'agriculture, la circulation des voitures et le style de vie urbain moderne. Il a des projets très concrets pour l'avenir de ce lieu. Pour lui, la zone d'exclusion doit être ajoutée à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que cette zone devrait être reconvertie en parc national, monument national de Tchernobyl et parc naturel. Pour garder la mémoire de cet événement et se souvenir que la technologie utilisée ici a échoué. Nous devons impérativement transmettre les leçons de cette catastrophe. Honnêtement, je suis tombé amoureux de cette zone interdite. Elle est dans mon cœur, comme ma patrie. C'est normal que je m'en occupe. C'est une région magnifique. Suzanne Weichenthal, diplômée en pédagogie, travaille également dans le cabinet sans frontières. Sa mission, conseiller les patients pour éponger leurs dettes et réintégrer les caisses d'assurance maladie. Le profil type que je vois ici, ou dans le bureau où je travaille normalement, c'est celui d'un ancien indépendant d'un petit entrepreneur qui n'était plus en mesure de payer et qui a résilié son contrat auprès de sa caisse. Mais il y a aussi certains indépendants qui possédaient une plus grosse entreprise et qui ont soudain vu leurs commandes s'effondrer. Au départ, ils cotisaient. Aujourd'hui, ils ont un toit, sont bien habillés, mais ne sont plus affiliés à aucune caisse. En Allemagne, l'assurance maladie est obligatoire pour tous. Mais selon l'Office fédéral des statistiques, 80 000 personnes ne seraient pas couvertes. On estime qu'en réalité, il serait même plus d'une centaine de milliers à être dans cette situation. Quiconque a des arriérés chez son assureur ne peut pas changer de caisse sans avoir honoré les cotisations en souffrance ainsi que des pénalités de retard. Le législateur dit qu'il faut s'acquitter des quatre dernières années d'arriérés. Dans le même temps, il faut se réassurer et payer à nouveau une prime, soit par le biais des cotisations salariales et patronales, soit par le biais d'une contribution minimale qui s'élève actuellement à 186 euros avec l'assurance soins de santé. Dans le privé, il ne faut pas seulement rembourser 4 années, mais 5. Si vous êtes au tarif de base, cela représente donc au maximum 800 euros qu'il faut multiplier par 60 mois de dettes accumulées. Lorenz Eberhardt cumule 50 000 euros de retard de cotisation. Il ignore comment il va pouvoir s'en acquitter. Il n'est toujours pas réassuré. Mon rythme cardiaque est élevé et c'est très mauvais pour ma petite pompe. La date de l'expulsion est depuis longtemps fixée, mais la recherche d'un nouveau logement a été difficile jusqu'au bout. On doit être dehors la semaine prochaine. On avait prévu de stocker temporairement les meubles et éventuellement de dormir à tour de rôle chez nos enfants. La demande de logement social n'a pas abouti. À présent, les enfants doivent venir à la rescousse. Mes parents auraient pu se retrouver à la rue, entre guillemets, si aucun gentil propriétaire n'avait accepté de les aider sans garantie qu'ils étaient solvables. La question n'est pas tant de savoir qui est à blâmer dans tout ça. On a toujours un peu notre part de responsabilité dans ce genre de situation. Mais plutôt de savoir comment venir en aide. On a beau avoir travaillé toute sa vie, avoir payé des impôts de fou, avoir créé des emplois, si par hasard on s'endette, on peut se retrouver d'un seul coup en plan, sans personne pour venir à notre secours. Quitter sa propre maison après y avoir résidé plus de 30 ans laisse un goût amer. Actuellement, je suis dans une phase de flottement. La maison se vide. J'ai encore un téléviseur et une chaise sur laquelle je m'assieds en me demandant comment on a pu en arriver là. Le malade du cœur n'a pas le droit de donner un coup de main pour le déménagement. Je ne peux que regarder mes enfants trimer et je n'ai pas de quoi me réjouir. Évidemment, c'est triste. Nous avons tous grandi ici. Mais la vie continue. Et ce n'est pas parce qu'on n'a plus de maison qu'on n'a plus de famille. Comme beaucoup de non-assurés, Lorenz a fait l'autruche durant des années. L'électrochoc est venu lorsque, du jour au lendemain, il est tombé gravement malade. C'était la première fois en 67 ans. Je n'ai jamais rien coûté à aucune caisse d'assurance maladie. Et subitement, mon cœur a flanché. Ils ne savent toujours pas à quoi c'est dû. Physiquement, je suis en parfaite santé. J'ai eu de la chance. Je dois la vie à mon fils aîné. Norman était justement chez son père lorsque ce dernier s'est brusquement effondré. Il a immédiatement su comment réagir. Quelques jours auparavant, il venait de passer une formation pour les premiers secours. J'ai effectué les manœuvres de réanimation habituelles, bouche à bouche et massage cardiaque, jusqu'à l'arrivée des secouristes. Mais dans une telle situation, on fait ce qu'on peut, et par chance, c'était ce qu'il fallait faire. Une fois la tension retombée, j'ai aussi fait un petit malaise. Quand j'ai réalisé... Ce qui s'était passé. Oui. Et que c'était moi une. C'est ça. En plus des arriérés de la caisse d'assurance maladie, son père doit maintenant près de 27 000 euros à l'hôpital pour l'intervention chirurgicale et les soins hospitaliers. Où tu as trouvé ça? J'étais encore toute petite. Oui. Ma petite femme. Là, c'est Hans. À l'époque, j'avais une superbe moustache et cette magnifique chevelure noire. Ce sont des photos de vacances. Et voici mon rayon de soleil, toujours le sourire aux lèvres. C'est ce qui m'a emballé chez elle. Tout le monde se demande si tous les meubles vont entrer dans un logement qui fait 100 mètres carrés de moins que la maison. J'ai eu l'impression d'entrer dans un clapier. N'exagérons rien non plus. Mais c'est vrai que si on met la table ici, elle va venir jusque-là. Et alors on ne pourra plus circuler. Parce qu'il faut aussi faire entrer cette grosse armoire. C'est clair que c'est plus petit que ce que vous aviez avant, mais c'est comme ça. C'est nous en 1984. La famille compte beaucoup pour nous. Sans elle, rien n'irait chez nous. Le mardi, c'est la journée familiale. Tous nos petits-enfants sont là. Le soir, leurs parents viennent les récupérer et on discute tous ensemble autour d'un bon repas. Mon épouse est toujours restée à la maison. Elle a toujours été là pour les enfants. Ça a été un électrochoc quand j'étais dans le coma. Ursula est maintenant à la recherche d'un emploi. Une première pour elle. J'arrive sur le marché à presque 62 ans, en n'ayant pas travaillé depuis tant d'années. Et les employeurs préfèrent naturellement les jeunes. Je me suis fait une raison. Les choses sont comme elles sont, et on ne peut plus rien y changer. Ce n'est pas la joie, mais la vie continue. On va s'en sortir. Les enfants et les petits-enfants sont tous là pour nous entourer. D'une manière ou d'une autre, on va se débrouiller. Une fois le déménagement terminé et tout le reste réglé, la situation devrait se stabiliser. Et ils retrouveront tous les deux un peu de sérénité. Peter Kukuk doit prendre plusieurs médicaments chaque jour. Ça, c'est pour la tension. Ça, ce sont des bêta-bloquants. Ça, c'est aussi pour la tension, associé à des comprimés effervescents. C'est le docteur Ostendorf du cabinet Sans Frontières qui me les a prescrits. Ils fonctionnent bien. Vous les recevez gratuitement ? Jusqu'à présent, je devais toujours les payer, mais pas cette fois. Et si vous aviez une assurance, elle prendrait ça en charge? Je devrais simplement régler le reste à charge, soit 5 ou 10 euros, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Chaque semaine, il se rend au cabinet Sans Frontières. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'assistante sociale. Il espère ne plus avoir à rembourser les arriérés à la caisse d'assurance maladie afin de pouvoir s'assurer à nouveau. On va d'abord voir ce que me conseille l'assistante sociale. J'ai apporté toutes les factures de l'hôpital et on verra bien ce qu'elle en dit. Je n'attends pas grand-chose, mais une bonne nouvelle ferait quand même du bien. Tout n'est malheureusement pas aussi simple. Chaque cas est unique et Suzanne Weichenthal doit trouver des solutions adaptées. Monsieur Kukuk, c'est à vous. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patient chez nous et vous n'êtes assuré nulle part? Non. Depuis quand? Depuis 20 ans. Vous n'étiez déjà plus couvert avant 2007? Voilà. Pour tous ceux qui étaient encore assurés après 2007, les soins d'urgence sont pris en charge. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de M. Koukouk. Il est donc obligé de tout régler. C'est ça. Il n'a pas droit aux aides sociales parce que sa compagne gagne trop pour ça. Mais peut-être que l'Agence pour l'emploi pourrait prendre en charge ces cotisations. Si vous décidiez de vous marier, vous pourriez bénéficier de l'assurance familiale de votre épouse. Donc, soit, et c'est le plus simple, je me marie. Oui. Soit on se résout à ce que ma compagne règle mes cotisations. Voilà. En fonction de ce qu'elle paye. À bientôt. Merci beaucoup. Bien. Au revoir. Au revoir. Deux mois plus tard, Lorenz a lui aussi pris conseil. Pour liquider ses dettes auprès de la caisse d'assurance maladie, il lui faudrait engager une procédure de faillite personnelle, ce qui lui permettrait alors de se réassurer. Je l'avais emmené en voyage d'affaires en Suède. C'était encore la belle époque. Mais tout change. Pour le moment, on se serre la ceinture, c'est certain. On apprend à se restreindre à tous les niveaux. Mais on peut encore se payer un café frappé en ville. Et moi, une barquette de cerise. Se contenter d'un petit appartement n'est pas facile pour le couple. C'est très difficile. On accumule beaucoup de choses dans une maison en 34 ans. En attendant, on stocke une partie de nos affaires chez notre fils et le reste ici, à la cave. Il a fallu jouer à Tetris pour tout faire entrer. Qu'est-ce qu'on peut accumuler comme bazar? Je dois dire que la taille du logement ne me dérange pas trop. Elle me convient bien. La maison était tellement énorme. Je disais souvent que c'était vraiment absurde de vivre tous les deux seuls dans cette grande baraque. Aujourd'hui, ils reçoivent à nouveau la visite de Norman et de Doreen. Cela aurait-il changé quelque chose de savoir que leur père n'avait pas de couverture maladie? Nous aurions sans doute cherché une solution en famille. Difficile à dire aujourd'hui. On aurait sûrement réfléchi à un moyen de financer tout ça. Ce n'est qu'une histoire d'argent. Mais maintenant, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Peter Koukouk s'est mis au jardinage afin de perdre du poids. J'espère avant tout recouvrer la santé pour pouvoir voir mes enfants grandir. C'est mon plus grand souhait. J'ai parlé à ma compagne de ces histoires de mariage et d'assurance. Elle a souri et m'a répondu « Ah, c'est maintenant, au bout de 20 ans, que tu me parles de mariage ?» Mais elle n'a pas dit non. Je suis confiant, ça va se faire. Thank you. souvent entendu dire que la souveraineté, c'était le combat des Québécois de souche. Puis je me suis toujours demandé, c'était quoi ça, un Québécois de souche? On décrit ça comment? Ça mange quoi en hiver? Avec des amis, on a essayé d'établir la liste des critères qui distingueraient les Québécois de souche des autres. Je vous arrête tout de suite avant que vous tentiez la même expérience. Perdez pas votre temps. Ça n'existe pas, un Québécois de souche. Quand on a cherché des critères, on est tous tombés d'accord sur la maîtrise de la langue française. Mais au-delà de ça, on n'a jamais réussi à s'entendre. Autour de la table, personne n'avait les mêmes idées. Pourtant, on était tous Québécois. Le Québec, c'est une nation multiculturelle. On vient tous de quelque part. On a tous un bagage différent. Puis c'est ça qui fait la richesse de notre nation. C'est tout le partage de nos traditions, de nos idées qu'on met ensemble pour faire quelque chose de plus vaste, de plus grand. Mais si on est tous différents, on a tous quelque chose qui nous lie, quelque chose qui nous distingue du reste du monde. On a tous les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes buts. On vit de cœur les mêmes angoisses, les mêmes rêves, puis parfois les mêmes deuils. On s'en va tous dans une même direction. Il y a une cohésion très forte au sein de notre nation. Plus forte au sein de la nation que celle qu'on a avec le reste du monde. J'ai souvent entendu dire qu'on n'avait rien à voir avec le Canada. C'est faux. Bien sûr qu'on a à voir avec le Canada. Je veux dire, c'est sûr qu'on a des points communs. De la même façon qu'on a des points communs avec les États-Unis, la Russie, la Syrie, la Papouasie, la Mongolie. On est tous humains. On veut tous vivre libres, en santé et heureux. L'histoire, c'est que d'une nation à l'autre, la notion de bonheur n'est pas la même. On n'agit pas de la même façon pour y parvenir. Il n'y a pas une nation qui est meilleure que l'autre. Il n'y a pas une nation qui peut prétendre que son bonheur est plus sain ou que le chemin qu'elle emprunte pour y parvenir est mieux. Si on s'entend là-dessus, on s'entend aussi sur le fait qu'une nation ne peut pas assimiler une autre nation. Elle ne peut pas prendre une nation, la mettre à sa main, puis en faire son sosie. Et une nation ne devrait jamais essayer de s'effacer pour une autre, perdre de vue son essence pour ressembler aux autres. C'est important de partager avec les autres nations. C'est important aussi quand c'est pas le voisin qui décide à notre place. Le Canada, c'est un beau pays, mais c'est pas le nôtre. On se rend tous compte qu'on est différents. Pourquoi à tout prix vouloir ne pas l'être? Est-ce qu'on peut arrêter de s'imposer le bonheur des autres quand il ne nous rend pas heureux? Est-ce qu'on peut, nous, les Québécois, se rassembler, parler de vive voix et tous aller quelque part ensemble? Est-ce qu'on peut se donner une chance? Est-ce qu'on peut se donner un pays? Donc je pense que là, M. Macron, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Révolution », bah, il était prémonitoire, parce que c'est bien ce qu'il est arrivé à déclencher. Mais pas celle qu'il croyait. C'est pas une révolution libérale qu'on a sous les yeux, c'est une révolution populaire, citoyenne, on va dire. Bon, moi j'espère, j'essaye, je pense qu'il faut qu'elle se règle en sortant par le haut, pacifiquement, tranquillement, mais je ne sais plus quoi dire pour arriver à convaincre le gouvernement. Donc nous, on va déposer une motion de censure. C'est notre boulot de parlementaire. Je vous dis pas que ça va être un grand succès, mais c'est notre travail. On est là pour ça. Donc c'est le moyen dont nous disposons. Les gens qui sont sur les barrages, eux, ils bloquent les routes. Ben nous, à l'Assemblée, il faut qu'on dépose d'autres motions. Mais je sais pas s'ils seront assez raisonnables, le pouvoir, pour comprendre qu'il faut céder. Concernant les violences à Paris, est-ce que vous les condamnez? Est-ce que Christophe Castaner est l'homme de la situation? Écoutez, les violences, c'est devenu un rituel maintenant. Et on a l'impression que les dispositifs qui sont mis en place sont faits pour ça. Quand vous barrez toutes les rues et que vous laissez les gens rentrer à un seul endroit, et que pour finir vous commencez à les bombarder avec de l'eau et des gaz lacrymogènes, vous êtes sûr du résultat. Donc pour moi, elles sont résiduelles. Et le petit jeu qui consiste à essayer d'effrayer tout le pays, parce que y a des incidents qui sont localisés à la place de l'Étoile, je trouve ça tellement grossier, que voulez-vous, que j'en reste sans voix, voilà. Bon, bah, y a des incidents dans un coin de Paris, la belle affaire. Il n'y en a pas à Marseille, il n'y en a nulle part ailleurs. Donc, laissons tomber, oublions. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Toi, Andy, Andy, Andy. Toi, Andy, Andy, Andy. Toi, Andy, beau, Andy. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais le savoir. Taturambia waihanjurnora rumodu godo. Oya boturoto abao ma yurno rumoduma. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Toi, Wolwani Goto Sali Nanan Goma. Sirwa Nanan Monde Goto Ananimo, Afama Kowali Kanko Salino Nanan Goma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Goto te huit ma modan yellere. Yimo begite forondouma ko nyairi. Si quelqu'un te dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire, c'est qu'il fait entièrement confiance à son anus. Réoubé, Bakafé, Aranol, Belne Bernde, Njartine Bandou, Pirabol, Métine Bernde. Les femmes, c'est exactement comme le café. Au départ, ça excite, après, ça énerve. Mais les hommes, c'est comme les melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur les bons. Tawan bondi de didi. Tawan bondi de wore hei. Amma tawan de didi betake ginnawol be mure ben gartire ba bonbon. Ne sois pas bon deux fois. Une fois, ça suffit. Parce que quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bon. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. Andugo bellum, bellum. Soyende andugo bellum, bo, bellum. Bienheureux, celui qui connaît et qui vit dans le confort du bien-être et continue à s'en délecter. Bienheureux aussi, celui-là qui continue à mener paisiblement sa vie dans l'ignorance totale du confort du bien-être et de son existence. Bipé Adama en potankal, ben Danwa, ben Boja, ben Malwa, komo jofuo di harmuduma chatape. Tous les êtres humains sont pareils. Blancs, noirs, rouges, jaunes, riches, pauvres, croyants, athées. Il existe quelque part en chacun d'entre nous un petit coin qui sent mauvais. Voilà Kota Potir Gonafata. Narral Buran, il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons.

matin du samedi 6 octobre 2018, l'hôpital est malade. Tous en blanc pour la santé. 300 personnes, toutes vêtues de blanc, ont manifesté ce vendredi après-midi dans les rues d'Épinal pour dénoncer le manque de moyens humains et financiers dans les établissements de santé. Hôpitaux, le plan de performance, alors ça aurait pu être mis entre guillemets, vous voyez, plan de performance, parce que c'est une expression quand même qui vaut son pesant de crottin. D'âne, pas de crottin de cheval, hein, attention, crottin d'âne. Hôpitaux, le plan de performance débattu le 5 novembre. Alors là, c'est Vosges Matin du 30-10-2018. L'Agence régionale de santé a publié hier soir, lundi soir, un communiqué dans lequel elle indique avoir organisé la semaine dernière un temps d'échange avec les membres du comité de pilotage, entre guillemets, un temps d'échange avec les comités de pilotage, fermons les guillemets, des hôpitaux d'Épinal et Remiremont. Ce temps d'échange a consisté à rencontrer individuellement les élus spinaliens et Romarie-Montin, les députés Viry et Neigelen, ainsi que François Vanson, mais aussi les présidents des commissions médicales, les docteurs Lalo et Chabas, ainsi que les deux présidents de conseil de surveillance, les maires Michel Heinrich et Jean Ingré. À ceux-ci, un projet de contrat de performance a été présenté. Contrat de performance, ou plutôt la méthodologie permettant à l'ARS de parvenir à un redressement financier des deux établissements d'ici 2022. Un redressement qui reposera sur un seul principe, faire des économies. Alors à ce propos, l'autre fois, à une manifestation, j'ai entendu quelqu'un qui racontait un peu n'importe quoi. Il disait que, la banque suisse HSBC, vous savez, une banque très rigoureuse, qui fait des grandes affaires dans le monde entier, aurait racheté l'hôpital de Remiremont. Mais bon, on ne peut pas croire des choses pareilles, voyons. Hein. Lorraine, santé encore, bronchopneumopathie, attention au tabac. Le tabac est la principale cause de la bronchopneumopathie chronique obstructive, dont les premiers symptômes sont souvent sous-estimés. Le Grand Est est la deuxième région la plus touchée après les Hauts-de-France. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de fumeurs dans le Grand Est et il y a beaucoup de gens aussi qui ont travaillé dans la pierre. Hein, voilà. Alors c'est la bronchopneumopathie, c'est la BPCO. Voilà. De plus en plus de pénuries. Lorraine, médicaments. En 2017, 538 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ont fait l'objet de ruptures ou de tensions d'approvisionnement, soit 30% de plus qu'en 2016. Les associations de parents s'insurgent. Ça, c'était le 27 octobre 2018. Le 16 novembre 2018, malformation congénitale. Il n'y a pas d'épidémie. Pollution, pesticides, alimentation, hérédité, médicaments. Les autorités sanitaires vont examiner toutes les causes pouvant expliquer les excès de cas rencontrés dans l'Ain, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Alors les excès, moi je ferai remarquer à ces braves gens que les excès ça commence à partir de un cas. Le métham-sodium indésirable. La suspension au niveau national du métham-sodium est critiquée par les maraîchers qui affirment que le pesticide n'est pas dangereux pour le consommateur. Tiens. Ben oui. Aucun rapport, évidemment, avec ce qui a été dit précédemment sur les malformations congénitales, par exemple. Alors, malformations congénitales, elles ne peuvent pas être causées par des produits chimiques utilisés dans l'agriculture ou ailleurs. Des cacahuètes made in Belval. Porcieux. L'activité maraîchère fait partie des activités professionnelles proposées par l'ESAT de Belval afin de diversifier les apprentissages et les connaissances des usagers. L'établissement met en avant la culture de la cacahuète. Alors vous voyez le réchauffement climatique, c'était le 20 novembre 2018. Ouais. Et moi qui croyais que là, le cacahuète c'était une culture tropicale, hein. Ah ben vous voyez le réchauffement climatique qui fait son effet quand même, hein, apparemment. Hein, à suivre de près. Ben, il faudra goûter ces cacahuètes pour savoir s'ils sont meilleurs ou moins bons que ceux qui viennent du Sénégal, par exemple. C'est ici que le gaz a décidé de passer au vert. Ce méthaniseur est désormais près de chez vous et grâce à vos déchets organiques, il permet de créer du gaz vert, une énergie propre, locale et renouvelable. Le gaz, c'est l'avenir. Choisir le gaz, c'est aussi choisir l'avenir. GRDF. Voilà, on peut fabriquer du gaz à partir des déchets, ouais. Mais il y a longtemps qu'on fait ça en Allemagne et en Suisse, je crois, en tout cas en Allemagne, de façon quasi industrielle, hein. Il y a des villages où on fabrique du méthane à partir du lisier, Alors, le premier avantage, ben, on se débarrasse des mauvaises odeurs du lisier, au lieu de reprendre le lisier comme ça dans la nature et ça sent très mauvais. Eh bien, d'abord, on le passe, on fabrique du méthane, et en fabriquant du méthane, eh bien, en même temps, on élimine l'odeur. Voilà, on est gagnant sur deux tableaux. Et ensuite, lorsqu'on utilise ceux qui sont du méthaniseur, eh bien, on ne risque pas de brûler les plantes. Beaucoup moins d'acidité. Alors, vous voyez, les avantages, hein, si on se met à réfléchir assez bien aux choses, on arrive à avoir des résultats prometteurs et intéressants. Le collège d'Ampère, le collège s'illustre au concours national de la résistance. Les 6 élèves auteurs du mémoire ont été mis à l'honneur lors de la cérémonie de remise des brevets. Le mémoire sur les combats et les sacrifices des goumiers marocains de 1943 à 1945 a valu à 6 auteurs d'être lauréats académiques et sélectionnés pour présentation au jury national du concours. C'est très formateur, le concours national de la résistance. Ça fait beaucoup de bien aux jeunes. Ça leur permet d'apprendre ce qu'a été la vie de leurs parents, leurs grands-parents, et de envisager ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire pour éviter que ça ne se reproduise, ce genre de situation. Hein, les déportations, etc. Alors, Remiremont, le 11 novembre 2018, l'exposition S'accorde au féminin. Une exposition assez particulière vient de s'ouvrir au Centre culturel Gilles Berzog. Un film et des panneaux mettent en lumière 9 femmes au parcours d'exception, parmi lesquelles plusieurs Romarimontaines. Alors, parmi les Romarimontaines qui sont montrées, qui sont présentées, eh bien, il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est Madame Marie-Eugénie Méline. Alors, Madame Marie-Eugénie Méline, on voit sa photo, et quand on voit son visage, eh bien, on se souvient qu'on l'a rencontrée. Peut-être qu'une fois, mais cette dame, elle avait un visage aimable, souriant ou pas, mais aimable, très humain. Hein. Donc, Marie-Eugénie Méline, après l'exécution de son mari, Julien Méline, Marie-Eugénie Méline a estimé qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle reprend le flambeau de la résistance sous le pseudonyme de Jean-Paul, P-O-L, au sein du réseau Mithridate, dont elle aurait été responsable à Remiremont. Arrêtée par la Gestapo, qui, cherchant un homme, ne put jamais la confondre, elle fut relâchée, faute de preuves. Marie-Eugénie Méline est née en 1893. Elle épouse Julien Méline, garagiste résistant du réseau Century, qui fut fusillé à Épinal le 12 octobre 1943. Ils ont eu 4 enfants, tous résistants. Voilà. Alors, il y a des personnes comme ça que, quand on les rencontre, eh bien, on est marqué, on s'en souvient. Voilà. Même si on ne sait pas de qui était cette personne, quel était son nom, ce qu'elle avait fait, etc. Bien, quand on voit son nom, son action, son visage dans le journal, ensuite on dit, mais oui, cette dame, bien sûr que je l'ai rencontrée. Hein, voilà. Un visage inoubliable. Et une action, une activité inoubliable. Ben oui, ce qui lui a valu quand même d'être fait chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, parmi seulement 200 femmes en France. Décoré de la Croix de guerre 39-45, avec palme, et de la Croix du combattant volontaire de la Résistance. Voilà. Marie-Eugénie Méline reçut le 6 juillet 1949 un diplôme signé de Charles de Gaulle. Marie-Eugénie Méline mourut en 1984. Il faut absolument se souvenir d'elle. Les élections, peut-être bientôt. Hein, on soutient Jean-Luc Mélenchon, déclare Fabrice Pizias du Parti de Gauche. Fabrice Pizias, en tant que secrétaire départemental du Parti de Gauche, vous apportez votre soutien à Jean-Luc Mélenchon qui a fait l'objet de perquisitions. Pourquoi ? Ah oui, ce journal, il date du 9 novembre 2018, hein, juste après la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon et dans les locaux de la France Insoumise, du Parti de Gauche. Voilà, tout à fait en soutien Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai expliqué dans le communiqué que j'ai envoyé. Une centaine de policiers perquisitionnent les appartements de Jean-Luc Mélenchon, ceux de ses collaborateurs, les bureaux de la France Insoumise et du Parti de Gauche. Laissant penser qu'il s'agit bien là d'une attaque politique. C'est une attaque politique.

À Remiremont, conseil municipal, le maire Jean Ingré a retiré coup de maître du maire avec un point d'interrogation le vendredi 9 novembre 2018. Le maire Jean Ingré a retiré des délégations à son adjointe Dominique Schlesinger au profit du chef de l'opposition Jean-Benoît Tisserand. Une première dans l'histoire de la ville, l'annonce risque de faire grand bruit. Bah, non, pas fait tellement de bruit. Les gens, de toute façon, ils ont tellement de problèmes, tellement concrets, tellement urgents à régler que les affaires du conseil municipal, ben, ma foi, ça leur semble un peu... Bon, c'est moins grave, quoi. Hein, c'est moins grave, oui. Le Val d'Ajol, le rôle des troupes indigènes, jusqu'au 15 novembre. Ah, trop tard. À la salle des fêtes, une exposition retrace la présence des goumiers marocains au Val d'Ajol lors des combats de la première armée dans les Vosges en 1944 et 45. Marianne André Duru a directement vécu cette période. Fille du photographe et résistant Léo Duru, elle se souvient de ses combattants passant quelques jours de repos à l'arrière du front. Ils étaient accueillis en libérateur et étaient logés dans des familles ajolaises. Leur djellaba et leur redza, coiffure marocaine, étaient presque devenues habituelles dans le paysage. J'étais âgé de 8 ans et je regardais mon père les photographier. J'apparais d'ailleurs sur un cliché de cette époque, entre deux goumiers. On voit en effet la petite fille sur la photo. Alors rappelons que les goumiers, ben, c'était des tirailleurs marocains, algériens, marocains surtout, ou tunisiens peut-être aussi, qui étaient venus se battre pour libérer la France. Hein, voilà, certains étaient venus tout à fait volontairement, d'autres peut-être un tout petit peu moins volontairement, mais voilà, on les envoyait en général aux endroits où le combat était particulièrement rude. Hein, c'est-à-dire, bon, voilà. Et maintenant, il y a des gens qui font la fine bouche quand ils voient arriver un immigré. Des gens qui ont traversé la Méditerranée au risque de leur vie, au risque de se noyer. Eh bien, lorsqu'ils arrivent, on les reçoit mal. Hein. Et ça, c'est particulièrement dégueulasse. Hein. Parce que on doit beaucoup, beaucoup aux gens des anciennes colonies qui nous ont délivrés de l'allemand, du Prussien, en 14-18, et en 39-45. Ils se sont particulièrement bien battus en 1940, et on les a conviés à contribution en 1945, 44-45. Harcèlement à l'école, que faire pour s'en sortir? Le harcèlement scolaire a désormais sa journée nationale. Ce jeudi est un signe que la parole se libère. Mais les proches restent démunis face à un problème aussi fréquent que difficile à repérer. Difficile à repérer, je crois qu'il faut quand même qu'on soit attentif. J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse, plus je m'enferme, plus je mute, et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Il me manquait que la barbe, et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, pensent que pour réussir à faire un bon petit couscous, c'est peut-être une femme et originaire du Maghreb. Faux. Prenez mon exemple. Rien au départ ne me destinait à devenir un spécialiste en la matière. Je suis né là-bas, c'est vrai, mais dans l'équipe de joyeux spermatozoïdes dans laquelle j'ai réussi à faire une percée remarquable, j'étais dans le groupe des X et Y. Il était donc inscrit dans mes gènes que j'allais être orienté vers la catégorie des rouleurs de mécanique plutôt que vers celle des rouleuses de semoule. Alors, comment toute cette histoire a commencé? Je vous rassure, hein, c'est de la viande halal et cachère. Hein. Et les catholiques et les laïcs, je vous rassure aussi, la bête a été étourdie avant l'abattage. Hein. Elle n'a pas souffert. Pour qu'elle ne souffre pas, on lui a donné à fumer du hashish. Elle était très contente de mourir. Hein. Où est l'abattoir? Une étude internationale vous a décerné le titre de pire touriste du globe terrestre. Le monde entier vous reproche d'être râleur, radin, arrogant, impoli. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Après Waterloo, c'est la Bérésina, ma parole. Heureusement que nous sommes là. Hein. Il vous reste plus que nous. On vous trouve bien, nous. On croit en vous, nous. Être français, c'est la classe. On veut tous être français. On veut la baguette, on veut le béret, on veut le 14 juillet et un passeport français pour voyager partout dans le monde. Comme ça, nous aussi, on peut être arrogant, impoli. Hé, hey, casse-toi, pauvre con. Article 2, pour vous aider à retrouver le A que vous a fait perdre l'agence Standard & Poor's, nous vous donnerons le A de Algérie. Cadeau. Nous, on n'en a pas besoin. Et à chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, on vous apprendra, on vous initiera à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le Mektoub. Si, par exemple, vous êtes en chômage depuis 2 ans, vous allez à Pôle emploi et on vous annonce que vous n'avez plus de droits aux indemnités, vous dites juste Mektoub. Et ça va beaucoup mieux déjà. Le Mektoub relativise les catastrophes. Allez, on va faire un petit entraînement. Vous vous levez le matin et vous trouvez qu'on vous a coupé l'eau, le gaz, l'électricité. Vous allez peut-être gagner au loto la semaine prochaine. Mais non, là c'est Inch'Allah. Vous savez, chez nous dernièrement, ils ont acheté 200 éoliennes et ils les ont installées dans un endroit où il n'y a pas de vent. Le jour de l'inauguration, la délégation ministérielle est arrivée avec le ministre de l'énergie en tête. Il y avait les ingénieurs et le peuple qui attendaient avec les ciseaux, etc. Une fois arrivé, mais, il dit aux ingénieurs, mais comment ça se fait? Mais elle ne tourne pas! Et les ingénieurs, eh ben oui, monsieur le ministre, c'est bien, on vous l'avait déjà dit, c'est une région où il n'y a pas de vent, c'est normal. Mais il faut les faire marcher avec l'électricité! En ouvrant le journal parisien de la région du coin, aujourd'hui, je suis tombé tout à fait par hasard sur la rubrique carnet, naissance et décès au mois de janvier et février. Sa lecture m'a interpellé, je vous en fais part. Alors, dans la région d'Aulnay-sous-Bois et autour, au mois de janvier, les naissances, Nabila Ayeshi, Sissokombala, Kader Shahad, Nabila Rouj, Nabila Afraoui, Jamila Arbadji, Kouchko Cheglayan, Dialoumbou, Yasmine Belboul. Les décès, Mathilde Laforêt. Jacques Seguin, Dominique Bruyère, Raymond Courtois, Chantal Duroc, Émile Poltard, mois de février, Nordine Mataoui, Samir Boudjadja, Mamadou Sangare, Nguyen Daifang, les décès, Josiane Mercadi, Jean-Paul, arrêtez de mourir. Vous entrez chez Mouloud, Mouloud est au téléphone. Il est toujours au téléphone. Willy, Wacha, Wacha, Wacha, tu dis non. Il palabre avec un cousin d'Agadir qui lui demande de l'aider à venir s'installer en France. Mais qu'est-ce qu'il vient faire en France? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? La France est complique maintenant. La France est très violente. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a trop d'Arabes. Il y a trop de Français en France. Non. Reste là-bas. Tu sais, il y a un chanteur français qui s'appelait Richard Aznavour. Il a dit, la misère, il est plus joli qu'au soleil. Maintenant, tu vas au rayon alcoolique. Après, tu vas au rayon charcuterie. Le rayon charcuterie chez l'Arabe du coin. Mais j'ai jamais pensé à ça. Mais normalement, il n'a pas le droit. Normalement, sa religion est lui interdite. Oh, remarque, pourquoi pas? Il y a bien un rayon halal chez Leclerc. Pourquoi il n'y aurait pas un rayon mécréant chez Mouloud? Bon ben voilà, le cooking show est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car le couscous est un plat qui se mange de bouche à oreille. Et la prochaine fois, s'il est écrit, Inch'Allah, que nous nous reverrons ici-bas, je vous apprendrai à réaliser un bon tagine moléculaire. Quand

Moi, je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, je m'appelle Kulak Yerstensky, du côté de ma mère, et Piazzano Venditti, du côté d'un copain à mon père. J'aime pas les étrangers. Je viens de manger le pain des Français. Dans le village où j'habite, on a un étranger. Quand on le voit passer, on dit, tiens, ça, là, ça, c'est l'étranger. Comme un objet, on n'a pas de respect. Quand on a du respect pour un être humain, on dit pas ça, là, c'est pas ça. Non, non, on dirait ce monsieur. Quand sa femme passe, l'étrangère, baissant la tête, on dit, celle-ci, c'est l'étrangère. Ça vient de manger le pain des Français. L'autre dimanche, à la messe de 10 heures, j'avais été communié au café d'en face. L'étranger a voulu me parler. Moi, j'avais autre chose à faire, j'avais mon tiercé à faire. Mais enfin, moi, je suis douanier. Je suis pas un imbécile. Enfin, du haut de ma grandeur, étant fonctionnaire, j'ai daigné l'écouter, cet imbécile. Il est étranger, forcément. Il m'a dit, mais ne pensez-vous pas que vous êtes ridicule, à notre époque, de ne pas aimer les étrangers, hein? Réfléchissez, quand un chirurgien du Cap va opérer un cœur humain, que ce soit à Pékin, Stockholm, Moscou ou Washington, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. J'ai rien compris à ce qu'il a voulu dire. J'en ai conclu qu'il était bête. En effet, lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Et moi, je peux pas être bête. Je suis douanier. J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol, moi. Votre pain et de votre France. Je m'en vais. Il fout le camp. Il a pris sa femme, ses enfants, sa valise. Il est monté sur un bateau. Il est parti loin, au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, dans notre village, nous ne mangeons plus de pain. Il était boulanger. Un livre sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme racontés aux enfants. Aujourd'hui, la plupart des pays disent qu'ils respectent les droits de l'homme. Mais tu sais bien que ce n'est pas vrai. Toi qui lis ce livre, tu vis dans un îlot où les droits de l'homme sont respectés. Peut-être pas toujours parfaitement pour tous, mais suffisamment pour sentir tes privilèges par rapport à tant d'autres peuples. Certes, tu te rends compte que le chômage existe, que les immigrés sont parfois méprisés, que certains travailleurs sont très pauvres, que la justice commet de temps en temps des erreurs, que bien des familles sont mal logées. Mais tu peux dire, tu peux vivre, tu peux manger à ta faim, tu peux penser et parler à ta guise. Tu peux aller et venir sans que tu sois menacé. Tu peux fréquenter l'école, tu peux apprendre, tu peux jouer, t'amuser, te distraire, te cultiver. Tu as assez pour lire ce livre et pour réfléchir. Tu sens bien que ce sont des droits dont devrait bénéficier tout être humain. Alors le titre de ce livre, Les droits de l'homme racontés aux enfants, Ducamp, édition ouvrière 1983, 161 pages. Alors je ne sais pas si on le trouvera encore parce que mon livret là il date de 1983 et il est possible que le livre en question soit épuisé, quoique sur internet les sites de vente par correspondance arrivent à retrouver quelquefois et assez souvent même des livres même lorsqu'ils sont devenus très rares.